Nibigira. Séraphine Hakidimana sur la mise en onde. Merci de garder l'écoute de la radio Isanganiro, votre station préférée. Mettant depuis Bujumbura, voici le journal de la mi-journée en langue française. Donc voici tout d'abord les grandes articulations. Menace de suspendre les activités par les employés du centre neuropsychiatrique de Kamenge. Ils dénoncent les irrégularités observées dans l'organisation de leur salaire et la non-passation des responsabilités entre le directeur général sortant et son successeur à la tête de ce centre qui pourtant vient de se doter d'un nouveau directeur général. Vous aurez les détails dans cette édition sommaire également. Ce sont les vendeurs de chaussures opérant au marché de Bujumbura City Market, dit chez Sion, qui refusent d'adhérer à l'idée de leurs confrères de Djabé, qui demandent que ceux de chez Sion reviennent à Djabé. Vous entendrez les explications de représentants des commerçants de chez Sion. Les familles des prisonniers accusés d'être auteurs des échauffourées survenues à la prison centrale de Guitéga regrettent l'interdiction de rencontrer les leurs et les mauvaises conditions dans lesquelles vivent ces prisonniers incarcérés dans la chambre correctionnelle. Et enfin, comme à l'accoutumée, tous les mardis, vous avez droit à la chronique santé. Aujourd'hui, on vous parle d'une maladie appelée trachome qui attaque les yeux. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Rapatriement volontaire de 728 réfugiés burundais entrés le matin de ce mardi. Ces rapatriés volontaires proviennent des camps de réfugiés de Nduta et Mutenderi en Tanzanie. Ils sont constitués de 258 familles, dont 398 hommes et 330 femmes, respectivement originaires des provinces de Luigi, Changuzo et Karusi. La province de Luigi vient en première position avec 718 personnes, 8 rapatriés de la province Changuzo ainsi que 2 originaires de la province Karusi. Certains proches des prisonniers accusés d'être à l'origine des émeutes survenues à la prison centrale de Gitega déplorent qu'ils ne puissent pas leur rendre visite. Ils disent que les leurs sont incarcérés dans la chambre de correction et dans les mauvaises conditions. Le directeur adjoint de cette prison du centre du pays rassure cependant qu'ils sont pour le moment incarcérés dans les mêmes conditions que les autres détenus et appelle leurs proches à venir leur rendre visite. Et correspondant signé Arthur Kavabouche. Selon les proches de ces 8 détenus accusés d'être à la tête des émeutes survenues à la prison centrale de Gitega en date du 11 octobre, ils ont peur des conditions carcérales des leurs. Ces personnes indiquent que depuis ces émeutes, leurs proches sont enfermés dans la chambre de correction de la prison centrale de Gitega, mesurant 2 mètres sur 1,5 où ils dorment en se reliant et où ils font tous les besoins. Ces informations disaient qu'ils dorment sur le ciment et qu'ils n'ont pas le droit de sortir, prendre l'air comme les autres détenus et de se voir avec les leurs qui viennent les rendre visite. Leurs proches demandent que les leurs soient traités comme des êtres humains et qu'ils aient les mêmes droits que les autres détenus. L'agent de la directrice de cette prison, Pia Krenzo-Ihira, fait savoir que les auteurs de ces émeutes ne sont plus dans la chambre de correction vu leur effectif élevé et que cela est intervenu après qu'ils aient été interrogés par le procureur général à Gitega. Son responsable souligne qu'actuellement, ils sont dans les mêmes conditions que les autres détenus et lance un appel aux membres de leur famille de venir leur rendre visite. Dans ces émeutes, les détenus protestaient contre le fait de faire la cuisson du haricot avec l'huile de coton et ils comparaîtront bientôt devant la cour à Gitega. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi, page commerce et sans transition. Les commerçants vendeurs de chaussures opérant au marché Bujumbura City Market, dit chez Sion, rejette l'appel de leurs confrères du marché de Djabé qui demandent qu'ils reviennent dans ce dernier pour qu'ils puissent être bien fonctionnels. Abraham Chimhaye, le représentant de ceux de chez Sion, dit que l'on leur a retiré les stands à Djabé pour les attribuer à ceux qui ne sont pas réellement commerçants. Pour lui, il faudrait leur réattribuer ces stands. Sinon, qu'on les laisse tranquilles chez Sion, là où ils ont les leurs. Suivez Chimhaye Abraham en traduction française de Laurence Vitalio. Nous pensons que rien ne devrait nous forcer de venir du moment que nous avons nos stands là-bas, même des dépôts. On reviendrait si et seulement s'il est constaté que ceux à qui on a donné ces stands ne sont pas capables d'y travailler. Là, on peut travailler et à Jabé et chez Sion sans aucun problème. Ce que nous craignons, c'est ce fait que nos amis commerçants de Jabé réclament le retour de ceux qui vendent des chaussures au marché dit chez Sion. Chez Sion, nous y avons eu des stands, on travaille à plus de 200. Mais si on nous redonnait nos stands, on peut travailler dans les deux marchés. C'était en fait un hangar qu'on détenait en une petite association. Certains individus qui ne sont même pas des commerçants sont venus l'occuper. On le sait, ce ne sont pas des commerçants de chaussures, ils ont d'autres activités. S'ils étaient des commerçants, en tout cas, ils ne pourraient pas passer tout un mois sans amener leurs marchandises. Pour dire que si le hangar nous appartenait encore, on aurait déjà amené nos marchandises depuis longtemps. Et aujourd'hui, si on commence à nous réclamer, c'est-à-dire qu'on veut faire de nous leurs locataires simplement, alors qu'au début, c'était nos propres stands. Et si la mairie constate qu'ils ne sont pas capables réellement d'y exercer le commerce, qu'elle nous redonne ces places et nous, on le fera. C'est notre métier. Abraham Chimhaye, il est représentant des commerçants du marché chez Sion. Il est traduit en français par notre confrère Léon Sevitelli. Après une courte pause, on passe en page santé. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h04, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre via le www.isanganilo.org, mais aussi sur Facebook. Isanganiro Burundi, le cadre d'expression des malades Semabou appelle au ministère de la Santé à dialoguer avec les tradis praticiens en vue d'améliorer la santé et promouvoir le secteur de la médecine traditionnelle. Le porte-parole de ce cadre s'exprime après la correspondance du ministre de la Santé publique adressée à son homologue de l'Intérieur, lui demandant de suspendre les activités des associations des tradis praticiens. Sylvain Habanawakidze indique qu'il s'est avéré que la médecine traditionnelle guérit, mais qu'il importe que ce secteur soit régulé afin qu'il fonctionne en collaboration avec la médecine moderne. Suivez à ce propos Sylvain Habanawakidze, porte-parole de CEMAB. Nous avons entendu cette information. Ça a été une grande surprise au niveau du Semabou d'entendre que ces tradis praticiens travaillaient sans autorisation, sans collaboration ou sans partenariat avec le ministère ayant la santé de la population dans ses attributions. Comme nous l'avons toujours soulevé, nous avons des inquiétudes au niveau des consommateurs. Que les gens qui nous écoutent comprennent bien, nous ne sommes pas contre l'usage ou l'utilité de ces médicaments traditionnels, mais nous voulons qu'il y ait un suivi au niveau du ministère pour que ces gens travaillent dans les normes du ministère et à la santé de la population dans ses attributions. Qu'est-ce que le Semabou suggère? Le Semabou demande aux hôpitaux publics dits modernes de travailler en collaboration avec ces tradis praticiens parce que l'expérience, la pratique a montré que ces médicaments guérissent certaines maladies, voire même des maladies qui ne trouvent pas de médicaments efficaces dans les hôpitaux modernes. La pratique, l'expérience a montré que ces médicaments dits traditionnels guérissent certaines maladies. Et toujours en page santé, les travailleurs du centre neuropsychiatrique de Kamenge dit chez Le Gentil menace d'entamer un mouvement de grève si leurs revendications ne trouvent pas solution. Le représentant du syndicat des travailleurs de ce centre indique que le directeur sortant est en train de prendre certaines mesures qui peuvent handicaper le fonctionnement de ce centre, cela avant la remise et reprise avec le nouveau. Parmi ces mesures, Adolphe Niongele cite notamment celle de changer les postes de certains travailleurs de la comptabilité suivie. Les principales raisons qui nous poussent à lancer ce préavis de grève est que, premièrement, au mois de septembre, c'était le 26, il y a une nomination. Notre ancien directeur général, il a été nommé comme frère supérieur provincial de l'Europe. Alors, on a longuement attendu, on n'a pas vu qu'il y ait passation de responsabilité. Alors, c'est pour cela qu'on a décidé de faire un cri d'alarme pour que justement il y ait cette passation de ses responsabilités. Bon, d'autres raisons étaient qu'on voyait justement que pendant cette période, il y aurait des malversations. On dirait par exemple, il a chambardé des services, il a donné des mutations, les employés qui travaillent dans certains services. Alors, on a cru que c'est le moyen peut-être de faire des détournements ou de malverser. Les cas concrets. Bon, oui, les cas concrets, c'est par exemple le cas du service de comptabilité. il a muté le comptable qui était là, contractuel du CNPK, et il y est resté un stagiaire et un journalier. C'est pour cela qu'on avait des inquiétudes, et c'est compréhensible. Même s'il disait que la décision est prise par les frais de la charité, nous sommes des employés. Si une fois l'entreprise ou l'hôpital ferme les portes, c'est nous qui perdons les premiers. Donc vous jugez que ce n'est pas une ingérence dans l'organisation de cette congrégation des frères de charité? Ce n'est pas une ingérence, parce que le syndicat a le droit de regarder ce qui se passe, de ce qui se passe dans l'entreprise. Est-ce que vous avez passé par d'autres voies de recours avant d'arriver à ce préavis de grève? Justement, on a fait une correspondance et on est au président du conseil d'administration. Et puis la réponse a été claire. Il nous a dit que le départ du frère directeur général du CNPK sortant n'a pas été décidé par le conseil d'administration ni le gouvernement. Alors, il nous a dit que la passation des responsabilités est du ressort de celui qui a le pouvoir de nomination. Est-ce que vous avez pu réunir les autres travailleurs pour demander leur avis, puisque la direction dit que vous n'êtes qu'un groupe de quelques individus qui sèment du désordre à ce centre? Quand on demande à se réunir au niveau de l'Assemblée générale, ils nous refusent toujours l'autorisation. Alors on s'est réunis en cellule comme on faisait chaque fois qu'ils nous refusaient de faire une Assemblée générale. Et on a sorti une décision. Et à ce sujet, le directeur général sortant du centre neuropsychiatrique de Kamenge dénonce plutôt ce qu'il qualifie d'ingérence de ses syndicalistes dans l'organisation de la congrégation des frères de la charité. Hippolyte Emmanuel Akiza notifie que la remise est reprise tel que décidé par le représentant de cette congrégation au niveau mondial, se fera le 20 novembre courant. Il indique aussi que le représentant du syndicat des travailleurs de ce centre n'a pas respecté la procédure pour lancer son préavis suivant. C'est vrai, j'ai reçu aussi le préavis de grève lancé par M. Adolphe. Je dis monsieur parce que M. Adolphe n'a jamais demandé une réunion dans laquelle il devrait montrer au personnel les préoccupations et que le personnel puisse eux-mêmes prendre, faire connaissance d'abord, et alors que le personnel puisse donner aussi leur avis. Mais ce monsieur est président du syndicat. Il est président du syndicat, mais le syndicat doit aussi respecter les membres de son syndicat. Et imaginez-vous s'ils disent que moi, je ne veux pas quitter le CNPK. J'ai reçu une responsabilité d'être responsable de la province de l'Europe. Et j'étais directeur du CNPK. Quelle est la responsabilité la plus grande par rapport à la décision du CNPK et avoir une responsabilité de la province de l'Europe? Ce que je veux, c'est que je voudrais faire un bon document de remise reprise avec les détails de façon à ce que le nouveau frère, mon confrère, je dis mon confrère, puisse avoir les idées claires par rapport au fonctionnement du centre. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment de ressort de se mêler dans la gestion par rapport à la passation des responsabilités au sein de la direction du CNPK. Ce syndicat dit que vous ne leur autorisez pas de faire des réunions ici. Est-ce qu'ils n'ont pas ce droit? Mais c'est ce demandeur. Le directeur général de la santé et le président du conseil d'administration leur a demandé de passer par la direction, faire une lettre de demande d'une assemblée générale de tout le personnel, mais ils ont préféré plutôt lancer le préavis de grève au lieu de demander la réunion. Ils devraient demander la réunion et alors voir si la direction pourrait dire non à la demande. Ils n'ont jamais demandé la réunion. Et je pense que j'ai entendu qu'ils se ressemblent déjà dans un cabaret quelque part, dans le quartier, et après ils font un PV de la réunion. Des PV comme ça dans les cabarets ne s'organisent jamais. C'est vrai que vous êtes en train de changer certains personnels, notamment ceux de la comptabilité. Mais changer le personnel, ça entre dans les responsabilités du directeur. C'est de routine. Changer quelqu'un d'un service à l'autre, où est le problème? Peut-être qu'il s'inquiète parce que vous êtes partant, vous avez été nommé à d'autres fonctions. Mais où est le problème? Même avant, je nommais, je changeais de personnel pour... c'est normal. Et entre-temps, le centre neuropsychiatrique de Kamenge se dote d'un nouveau directeur général depuis ce lundi. Dans une note sortie par révérend frère René Stockman, supérieur général des Frères de la Charité, président de l'ONG Fracarita International, frère Hermenegilde Ndouimana remplace frère Hippolyte Emmanuel Akiza, signé pour une nouvelle mission comme supérieur provincial de l'Europe. Et la passation, comme je vous l'avais dit, des responsabilités prévues pour ce 20 novembre. Et 156 jeunes gens, dont 15 filles de la province de Kalousie, ont fait ce mardi le test intellectuel leur donnant accès d'entrée dans le corps de police. catégorie des agents. Parmi ces jeunes se trouvent 15 filles, dont une de l'ethnie Batwa, et faisant au total 4 Batwa, comme l'indiquent les officiers responsables de cette activité dans la province. Ceux-ci déplorent que leur confrère Mutwa n'a pas eu la chance de faire ce test. Celui-ci s'est présenté ce matin avec un bulletin original attestant son niveau d'études pour remplacer la photocopie qu'il avait mis dans son dossier, comme le dit ce jeune. Mais il a été refusé, expliquant que les délais de réclamation ont pris fin. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé de ce mardi, l'on vous parle d'une maladie qui affecte les yeux appelée trachome du groupe des maladies tropicales. Le docteur Victor Wuchumi, directeur du programme national intégré de lutte contre ces maladies, fait savoir que si le trachome n'est pas traité à temps, il peut aboutir à la cécité. Cette maladie touche beaucoup plus les enfants d'au moins de 10 ans. Les détails dans cette chronique santé préparée, présentée par Francine Ndihokugayo. Le trachome est une maladie classée dans la catégorie des maladies tropicales négligées. Le directeur du programme national intégré de lutte contre ces maladies, le docteur Victor Wuchumi, parle d'une maladie infectieuse ancienne mais peu connue. Le trachome, c'est une kératoconjonctivite d'évolution chronique caractérisée par la présence de follicules sur la paupière tarsienne, surtout la paupière supérieure des yeux. Cette maladie est causée par une bactérie, l'espèce de Chlamydia trachomatis qui est en cause de cette maladie. Les symptômes qui sont les plus fréquemment observés, c'est la présence de ce qu'on appelle des foyers de follicules au niveau de la conjonctive, surtout la paupière supérieure. En examinant, on retourne la paupière supérieure pour essayer de voir s'il n'y a pas de foyer qui abrite ces bactéries. Le trachome est une maladie extrêmement contagieuse. Elle peut même être transmise lors de l'accouchement. Le docteur Victor Wuchumi l'explique. C'est une maladie contagieuse, transmissible. Et la transmission peut être directe ou indirecte. Et la transmission se fait donc en se touchant avec les doigts ou les objets contaminés par le germe. Et d'une façon indirecte, la maladie peut être transmise par l'intermédiaire d'un objet contaminé. Cette bactérie est parfois même transmise lors de l'accouchement. Le phénomène, c'est que l'appareil génital féminin est parfois le réservoir de cette bactérie. Si les conditions d'hygiène ne sont pas toujours bien respectées, il y a moyen que la mère transmette le germe au nouveau-né lors de l'accouchement. C'est pourquoi dans la maternité, on doit prévoir un antibiotique à mettre dans les yeux du nouveau-né pour empêcher que ce germe ne s'attaque aux yeux du nouveau-né. Les antibiotiques permettent de traiter un trachome à un stade précoce, mais ces complications peuvent conduire à la cécité, d'après le docteur Wuchumi. C'est une maladie traitable. On a des antibiotiques qui sont adaptés pour le traitement de cette maladie. Mais le problème, c'est l'évolution de cette maladie, les complications qui peuvent arriver à ce qu'on appelle trichiasis trachomatée, où on voit des cils qui grattent sur la cornée. La cornée, c'est la partie blanche de l'œil. Et avec le temps, l'œil va être traumatisé et ça peut aboutir à une cécité. Et la cécité est irréversible, c'est-à-dire que la personne ne va plus récupérer. Il va devenir aveugle toute sa vie. Ce directeur du programme national intégré de lutte contre les maladies tropicales négligées indique que les enquêtes menées au Burundi montrent que les enfants de moins de 10 ans sont les plus touchés par le trachome, avec beaucoup plus de cas dans la province de Muyinga. Merci Francine Ndihokubgayo. Mes remerciements s'adressent également à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Séraphine Hakidimana pour la mise en onde. Eli Nibel Nibigira, je voulais présenter. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.